Chapitre 155e au 15 décembre. Gilbert n'éprouva de la part de Fritz aucune difficulté pour être conduit près de Balsamo. Le comte se reposait sur un sofa, comme des gens riches et oisifs, de la fatigue d'avoir dormi toute la nuit. Du moins, c'est ce que pensa Gilbert, en le voyant ainsi étendu à une pareille heure. Il faut croire que l'ordre avait été donné au valet de chambre d'introduire Gilbert aussitôt qu'il se présenterait, car il n'eut pas besoin de dire son nom ou même d'ouvrir la bouche. À son entrée dans le salon, Balsamo se souleva légèrement sur son coude et referma son livre, qu'il tenait ouvert sans le lire. « Oh !» dit-il, « voici un garçon qui se marie. » Gilbert ne répondit rien. « C'est bon, » fit le comte en reprenant son attitude indolente. « Tu es heureux, et tu es presque reconnaissant. C'est fort beau. Tu viens me remercier. C'est du superflu. Garde cela, Gilbert, pour de nouveaux besoins. » Les remerciements sont une monnaie de retour qui satisfait beaucoup de gens lorsqu'elle est distribuée avec un sourire. Va, mon ami, va. » Il y avait dans ses paroles et dans le ton que Balsamo avait mis à les prononcer quelque chose de profondément lugubre et doucereux qui frappa Gilbert à la fois comme un reproche et comme une révélation. « Non, » dit-il, « vous vous trompez, monsieur, je ne me marie pas du tout. »« Oh, » fit le comte, « que fais-tu donc alors? Que t'est-il arrivé ?» « Il est arrivé qu'on m'aille conduit, » répliqua Gilbert. Le comte se retourna tout à fait. « Tu t'y es mal pris, mon cher. »« Mais non, monsieur, je ne crois pas, du moins. »« Qui t'a évincé, la demoiselle ?»« C'était certain. »« Pourquoi n'as-tu pas parlé au père ?»« Parce que la fatalité n'a pas voulu. »« Ah, nous sommes fatalistes. »« Je n'ai pas le moyen d'avoir de la foi. » Balsamo fronça le sourcil et regarda Gilbert avec une sorte de curiosité. « Ne parle pas ainsi des choses que tu ne connais pas. » dit-il. « Chez les hommes faits, c'est de la bêtise. Chez les enfants, c'est de l'outrecuidance. Je te permets d'avoir de l'orgueil, mais non d'être un imbécile. Dis-moi que tu n'as pas le moyen d'être un sot, et je t'approuverai. Au résumé, qu'as-tu fait ? Voici. J'ai voulu, comme les poètes, aller songer au lieu d'agir. J'ai voulu m'aller promener dans des allées où j'avais eu du plaisir à rêver d'amour, et tout à coup, la réalité s'est présentée à moi sans que je fusse préparé. La réalité m'a tué sur place. » « C'est encore bien fait, Gilbert, car un homme, dans la situation où tu te trouves, ressemble aux éclaireurs d'une armée. Ces gens-là ne doivent marcher que le mousqueton au point droit et la lanterne sourde au point gauche. Enfin, monsieur, j'ai échoué. Mademoiselle m'a appelé scélérat, assassin, et m'a dit qu'elle me ferait tuer. Bon, mais son enfant. Elle m'a dit que son enfant était à elle et non à moi. Après, je me suis retiré. Hein ?» Gilbert releva la tête. « Qu'eussiez-vous fait, vous ? » dit-il. « Je ne sais pas encore. Dis-moi ce que tu veux faire. »« La punir de ce qu'elle m'a fait subir d'humiliation. »« C'est un mot, cela. »« Non, monsieur, c'est une résolution. »« Mais tu t'es laissé peut-être arracher ton secret, ton argent. »« Mon secret est à moi, et je ne le laisserai prendre à personne. »« L'argent était à vous, je le rapporte. » Et Gilbert ouvrit sa veste et en tira les 30 billets de caisse qu'il compta minutieusement en les étalant sur la table de Balsamo. Le comte les prit, les plia, toujours en observant Gilbert, dont le visage ne trahit pas la plus légère émotion. Il est honnête, il n'est pas avide. Il a de l'esprit, de la fermeté. C'est un homme, pensa-t-il. Maintenant, monsieur le comte, dit Gilbert, j'ai à vous rendre raison de 2 louis que vous m'avez donné. N'exagère rien, répliqua Balsamo. C'est beau de rendre 100 000 écus, c'est puéril de rendre 48 livres. Je ne voulais pas vous les rendre. Je voulais seulement vous dire ce que j'ai fait de ces louis, afin que vous sachiez pertinemment que j'ai besoin d'en avoir d'autres. Voilà qui est différent. Tu demandes alors? Je demande. Pourquoi? Pour faire une chose de ce que tout à l'heure vous avez nommé un mot. Soit, tu veux te venger. Noblement, je le crois. Je n'en doute pas, mais cruellement, est-ce vrai? C'est vrai. Combien te faut-il? Il me faut 20 000 livres. Et tu ne toucheras pas cette jeune femme? Dit Balsamo, croyant arrêter Gilbert par cette question. « Je ne la toucherai pas. Son frère, non plus. Son père, non plus. Tu ne la calomnieras pas. Je n'ouvrirai jamais la bouche pour prononcer son nom. Bien, je te comprends. Mais c'est tout un, de poignarder une femme avec le fer, ou de la tuer par des bravades continuelles. Tu vas la braver en te montrant, en la suivant, en l'accablant de sourires pleins d'insultes et de haine. Je veux si peu faire ce que vous dites, que je viens vous demander, au cas où l'envie me prendrait de quitter la France, un moyen de passer la mer sans qu'il m'en coûte. » Balsamo se récria. « Maître Gilbert, » dit-il de sa voix à la fois aigre et caressante, qui ne contenait cependant ni douleur ni joie. « Maître Gilbert, il me semble que vous n'êtes pas conséquent avec votre étalage de désintéressement. Vous me demandez 20 000 livres, et sur ces 20 000 livres, vous n'en pouvez prendre 1 000 pour vous embarquer. Non, monsieur, et cela pour 2 raisons. Voyons les raisons. La première, c'est que je n'aurai effectivement pas 1 denier le jour où je m'embarquerai. Car notez bien ceci, monsieur le comte, ce n'est pas pour moi que je demande. Je demande pour la réparation d'une faute que vous m'avez facilitée. Ah, tu es tenace, dit Balsamo, la bouche crispée. Parce que j'ai raison. Je vous demande de l'argent pour réparer, vous dis-je, et non pour vivre ou pour me consoler. Pas un sou de ces 20 000 livres n'effleura ma poche. Ils ont leur destination. Ton enfant, je vois cela. Mon enfant, oui, monsieur, répliqua Gilbert avec un certain orgueil. Mais toi, moi, je suis fort, libre et intelligent. Je vivrai toujours. Je veux vivre. Oh, tu vivras. Jamais Dieu n'a donné une volonté de cette force à des âmes qui doivent quitter prématurément la terre. Dieu habille chaudement les plantes qui ont besoin de braver de longs hivers. Il donne la cuirasse d'acier aux cœurs qui ont à subir les longues épreuves. Mais tu avais, ce me semble, annoncé 2 motifs pour ne pas garder 1 000 livres. La délicatesse, d'abord. Ensuite, la prudence. Le jour où je quitterai la France, force me sera de me cacher. Ce n'est donc pas en allant trouver un capitaine dans un port, en lui remettant de l'argent, car je présume que c'est ainsi qu'on fait. Ce n'est pas, dis-je, en m'allant vendre moi-même que je réussirai à me cacher. Alors tu supposes que je puis t'aider à disparaître? Je sais que vous le pouvez. Qui te l'a dit? Oh, vous avez trop de moyens surnaturels à votre disposition pour n'avoir pas aussi l'arsenal tout entier des moyens naturels. Un sorcier n'est jamais si sûr de lui qu'il n'ait quelque bonne porte de salut. Gilbert, dit tout à coup Balsamo en étendant la main sur le jeune homme, tu es un esprit aventureux, hardi. Tu es pétri de bien et de mal comme une femme. Tu es stoïque et propre sans afféterie. Je ferai de toi un homme très grand. Demeure avec moi. Je te crois capable de reconnaissance. Demeure ici, te dis-je. Cet hôtel est un asile sûr. Moi d'ailleurs, je quitte l'Europe dans 2 mois. Je t'emmènerai. Gilbert écouta. Dans 2 mois, dit-il, je ne répondrai pas non, mais aujourd'hui je dois vous dire. Merci, monsieur le comte. Votre proposition est éblouissante pour un malheureux. Toutefois, je la refuse. La vengeance d'un moment ne vaut pas un avenir de 50 années, peut-être. Monsieur, ma fantaisie ou mon caprice vaut toujours pour moi plus que tout l'univers, au moment où j'ai cette fantaisie ou ce caprice. D'ailleurs, outre la vengeance, j'ai un devoir à remplir. Voici tes 20 000 livres, répliqua Balsamo sans hésitation. Gilbert prit 2 billets de caisse et regardant son bienfaiteur. Vous obligez comme un roi, dit-il. Au mieux, j'espère, dit Balsamo, car je ne demande pas même qu'on me garde un souvenir. Bien, mais je suis reconnaissant, comme vous disiez tout à l'heure, et lorsque ma tâche sera remplie, je vous paierai ces 20 000 livres. Comment? En me mettant à votre service autant d'années qu'il en faut un serviteur pour payer 20 000 livres à son maître. Tu es encore cette fois illogique, Gilbert. Tu me disais, il n'y a qu'un moment, je vous demande 20 000 livres que vous me devez. C'est vrai, mais vous m'avez gagné le cœur. J'en suis aise, dit Balsamo, sans aucune expression. Ainsi, tu seras moi, si je veux. Oui. Que sais-tu faire? Rien, mais tout est dans moi. C'est vrai. Mais je veux avoir dans ma poche un moyen de quitter la France en 2 heures, si besoin était. Ah, voilà mon service déserté. Je saurais bien vous revenir. Et je saurais bien te retrouver. Voyons, terminons là. Causer si longuement me fatigue. Avance la table. Voici. Passe-moi les papiers qui sont dans ce petit carton sur le chiffonnier. Voici. Balsamo prit les papiers et lut à mi-voix les lignes suivantes sur un des papiers couverts de 3 signatures, ou plutôt de 3 chiffres étranges. Le 15 décembre, au Havre, pour Boston, PJ, l'Adonis. Que penses-tu de l'Amérique, Gilbert? Que ce n'est pas la France, et qu'il me sera fort doux d'aller par mer, à un moment donné, dans un pays quelconque qui ne sera pas la France. Bien. Vers le 15 décembre. N'est-ce pas ce moment donné dont tu parles? Gilbert compta sur ses doigts en réfléchissant. Précisément, dit-il. Balsamo prit une plume et se contenta d'écrire sur une feuille blanche ces 2 lignes. Recevez sur l'Adonis un passager. Joseph Balsamo. Mais ce papier dangereux, dit Gilbert en le regardant, et moi, qui cherche un gîte, je pourrais bien trouver la Bastille. À force d'avoir de l'esprit, on ressemble à un sot, dit le comte. La Denis, mon cher monsieur Gilbert, est un navire marchand, dont je suis le principal armateur. Pardonnez-moi, monsieur le comte, dit Gilbert en s'inclinant. Je suis en effet un misérable, à qui la tête tourne quelquefois, mais jamais deux fois de suite. Pardonnez-moi donc, et croyez à toute ma reconnaissance. Allez, mon ami. Adieu, monsieur le comte. Au revoir, dit Balsamo en lui tournant le dos.